sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Ah, bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Aujourd'hui, à l'émission, côté francophone, il y a eu beaucoup de nouveautés dernièrement, dans les dernières semaines, cette semaine aussi, des trucs intéressants qu'on attendait, ou des surprises aussi. Parmi celles-ci, ce qu'on va entendre dans l'émission, il va y avoir un extrait du nouvel album de Jean Leloup. Il va y avoir aussi le nouvel album de Chinatown que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Et il va être disponible en magasin le 5 mai, mais on l'a déjà reçu ici, donc on va entendre au moins une pièce, peut-être plus qu'une, du nouvel album de Chinatown. Et on va commencer ça tout de suite avec une nouveauté qu'on a reçue la semaine dernière ici à l'émission. C'est un simple, en fait, du groupe Les Incendiaires. Ça s'appelle La Menace Digitale. Et on l'écoute tout de suite à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. We'll be right back. Sur son caddie, dans les grandes surfaces, je trace sans bruit en prenant des céréales. Avec un joli bol recouvert d'arbres imprimés, sans cime et sans sol. Au plus profond de cette forêt tronquée, une mare de café. Laquelle s'abreuve de caissière au visage pâle, certaines brossant et brassant des poignées d'argent sale, le tout éclairé par des guirlandes de néon. Les caissières m'attirent en tripotant leurs boutons. Si des pulsions de consommation deviennent trop dangereuses, des gorilles sont là pour mordre les mains baladeuses. C'est alors qu'elles vont voler tout droit dans ma direction. Un avion SOS plié dans un bond de réduction, mais d'une seule voix sucrée. Murmure mon nom. C'était la pièce Glissman, donc on vient d'entendre, de l'artiste français Moby Dick. Vous l'avez peut-être entendu sur les ondes de C'est fou récemment ici en entrevue et prestation. Sinon, si ça vous tente de réentendre ça, c'est disponible dans la section balado-diffusion du www.cfou.ca. Et sinon, ben quelque part aussi, à travers une émission de Respect les Dauphins sur le unechance.com, le site où vous pouvez aller télécharger les balados de l'émission que vous écoutez présentement, La Dernière Porte à Gauche, et puis plein d'autres choses. Donc, allez visiter le www.unechance.com. Juste avant, Moby Dick, ce qu'on avait entendu, c'était la nouveauté du groupe le nouveau simple des Incendiaires, La Menace Digitale. Donc c'est ça, pas encore d'album complet ni rien d'annoncé. Ça fait pas super longtemps qu'on adore et qu'on aime leur album précédent Monono Aware, mais la Menace Digitale, quand même un son assez différent de ce qu'on avait entendu avant, quand même toujours ce petit son new wave, mais presque un son plus rock industriel, je dirais, sur La Menace Digitale. En tout cas, toujours très intéressant, le son des Incendiaires. Maintenant, on va continuer avec deux groupes qui vont être en spectacle bientôt ici à Trois-Rivières. C'est le 16 mai. Retenez cette date-là parce que Maken Kosapo et Eerie On, je sais vraiment pas comment prononcer ce groupe-là. Moi, j'avais estimé que ça pouvait se dire Erewhon. Sinon, on m'avait aussi dit que c'était peut-être Erewhon. Mais en tout cas, peu importe, ce groupe-là que vous allez entendre dans le prochain bloc va être en spectacle le 16 mai prochain. Leur album vient juste de sortir. Ça fait vraiment pas très longtemps. Il est disponible en ligne sur le bluetracks.com et vous pouvez aussi aller faire un tour sur leur site MySpace qui est le www.myspace.com/Erewhon. Donc, ça s'écrirait E-R-E. W-H-O-N Music. Mais sinon, sur Blue Tracks, bien sûr, vous pouvez trouver ça. Puis sinon, ben non, en fait, ce que je vous suggérerais, si vous aimez ça, allez plutôt les voir le 16 mai prochain. C'est au Charlot. Et puis, l'album va être disponible là-bas. Vous pourrez l'acheter. Ça coûte seulement $8 pour le spectacle. Et aussi, il va y avoir avec eux Macken Kozapo, qu'on va aller écouter tout de suite avec la pièce Orgasme, extrait de l'album Le Zèbre. Donc, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Macken Kozapo et Erewhon.

pièce L'Alchimiste qu'on vient d'entendre du groupe Erivan ou Iruon, en tout cas, peu importe. Ils seront en spectacle le 16 mai prochain avec le groupe Makenko Zappo qu'on avait entendu juste avant. Quand même intéressant le son de Erivan, ou bon, vous savez, là, j'ai arrêté de le dire de façon malaisante, hein, comme un malaise à chaque fois qu'on dit ce nom-là, puis qu'on sait absolument pas comment ça se dit, parce que c'est une prononciation quand même un peu commune. Donc, je vais l'appeler ce groupe-là, au lieu de créer toujours un malaise. Mais ouais, quand même un son intéressant du côté des compositions, mais on entend quand même assez clairement que la lacune de cet album-là est vraiment au niveau de la réalisation, là, de la captation, en tout cas, parce que ça sonne un petit peu lo-fi, mais sinon, sans révolutionner rien, c'est quand même efficace comme son, là, un peu classique, mais efficace, je dirais. Donc, mis à part là, la qualité du son, la réalisation, je dirais que c'est quand même un bon album, celui de ce groupe-là. Maintenant, on va aller écouter un groupe dont la qualité de la réalisation de l'album est vraiment tout autre, parce qu'ils ont travaillé avec Gus Van Gogh pour la réalisation de cet album-là. C'est le groupe Chinatown. Déjà, la pièce Apprendre à danser qui est sur les palmarès et qui joue assez fou depuis quand même un bon bout de temps. C'est un simple qu'on avait reçu déjà plusieurs semaines ici, mais là, l'album complet est arrivé ici à la station. Il s'appelle Cité d'or. Cet album-là, il va être disponible en magasin le 5 mai prochain. Ça va être distribué pas mal partout, ça, j'imagine, parce que c'est fait sous les disques Taka. Donc, devrait pas avoir de problème à trouver cet album-là qui est vraiment très bon. Donc, ouais, comme je le disais, réalisé par Gus Van Gogh, qui a travaillé entre autres avec The Stills, The Trues, Les Vulgaires Machins, plein d'autres grands groupes canadiens. Et ajouté à ça maintenant Chinatown, je pense que cet album-là va se faire une place là, parmi vraiment les bons albums canadiens. J'espère que ça va dépasser un peu les limites du Québec, quoique j'en suis pas certain. À cause du niveau de langage peut-être, puis des paroles qui sont quand même beaucoup présentes. L'album est complètement en français, puis les paroles prennent quand même une bonne place dans la musique, donc je sais pas si ça va vraiment transcender les limites du Québec, mais je leur souhaite vraiment. Et puis on va écouter la pièce tout de suite, on va écouter la pièce Flash de Paranoïa, c'est vraiment très bon, puis j'espère qu'on va avoir le temps d'ici la fin de l'émission d'en écouter une autre pièce, parce qu'il est vraiment très bon cet album-là, Cité d'or de Chinatown. Donc on écoute tout de suite la pièce Flash de Paranoïa sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Tout le monde veut que je disparaisse. Les croquements me collent aux fesses. Car ma tête est mise à prix. Je cherche le sauf-conduit. Sous mes cris, la ville dort. En rêvant de cité d'or. Elle voudrait que j'abandonne. Que se brise le microphone. Ah, we'll se défait devant mes flashs de paranoïa. L'automne se défait devant mes flashs de paranoïa. L'automne, l'automne. Yeah. La plus belle fille de la prison, donc nouvel extrait du nouvel album de Jean Leloup, Miss Milady, un album qui est assez fidèle au son de Jean Leloup, comme la pièce qu'on vient d'entendre en fait est assez représentative du reste de l'album, un très bon album, 15 pièces, beaucoup de stock là-dessus, et moi en tout cas j'ai l'impression, puis là je suis pas un très grand analyste ni un très grand connaisseur de la carrière de Jean Leloup, là, pas tant que ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit retour un peu aux sources. Moi j'avais beaucoup aimé l'album Les Fourmis, et puis je trouve qu'on a retrouvé un peu cet album, cette espèce de rock pop, sans dire rock folk, parce que même si les guitares acoustiques sont vraiment très très présentes partout du début à la fin de l'album, on sent pas tant la fibre folk, on reste quand même dans un rock, mais tu sais, semi-rock, semi-acoustique, quand même qui est assez caractéristique de Jean Leloup, c'est pas très étranger à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais si on compare par exemple avec l'album Mexico de Jean Leclerc, que j'ai pas tant écouté que ça, mais ce que j'ai entendu, ça me semblait un peu plus... un peu plus tranquille, un peu plus ambiant, avec des paroles un peu plus sombres. Donc, je pense qu'on retourne un peu à un style un petit peu plus fourmi pour cet album-là de Jean Leloup. Donc, mille excuses, Milady. Quand même un bon album. Je l'ai écouté plusieurs fois cette semaine et je l'aime bien, cet album de Jean Leloup. Et puis, une petite curiosité là-dessus. Il y a une pièce... En fait, je pense que c'est pas une pièce. Je pense que c'est plus comme... un genre de petit bout de pièce caché là à la fin d'une piste où on entend vraiment des sonorités qu'on n'est pas habitué à entendre dans la musique de Jean Leloup, une espèce de clavier, le son de clavier très très moderne, très dans l'air du temps là, vraiment des choses qu'on n'est pas habitué d'entendre de Leloup. Puis on se demande, je me demandais un peu, tu sais, si c'était un peu une tentative de s'en aller vers un autre son éventuellement, mais finalement en même temps il y a des paroles qui semblent assez ironiques là-dessus, donc on sait pas si c'est un peu je sais pas, un genre de moquerie ou juste je pense finalement que c'est peut-être juste plus comme une bulle qui a passé comme ça, quelque chose histoire d'essayer ça, mais bon, c'est un petit bout qui dure peut-être une minute et demie, deux minutes là, puis c'est en tout cas c'est un petit son intéressant, vraiment une petite partie là de l'album là, c'est pas du tout représentatif du reste, mais ça m'a quand même intrigué, cette petite partie de cet album de Jean Leloup. Donc voilà pour Leloup. Maintenant on va continuer en musique avec les poissons, tiens, pourquoi pas. Allez, écoutez la pièce Le Conte du Roi Poisson. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas du tout ça que j'ai mis là-bas. Non, on va plutôt aller pourquoi pas écouter la pièce Le Conte? C'est la position numéro 1 du palmarès francophone cette semaine. Et puis Le Roi Poisson, donc vous savez qu'il était de passage à Trois-Rivières cette semaine. Normalement, je vous parle toujours ici à l'émission de ce qui se passe, d'intéressant. Surtout côté francophone, surtout avec des groupes que j'adore comme Le Roi Poisson. J'ai l'habitude de vous en parler amplement, de vous annoncer à l'avance les spectacles qui vont se passer ici. Puis on a comme oublié, échappé ce spectacle-là. Et puis aussi, je me plains souvent du fait que dans les spectacles de groupes que j'aime ici à Trois-Rivières, il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent. Mais là, je pense que je peux pas en vouloir à personne s'il n'y a pas eu trop de monde. Mais je sais pas en fait, parce que même moi, j'ai été déjoué complètement par le manque de promo du spectacle. Donc un spectacle qui a pas été très très annoncé, donc c'est pour ça que j'ai pas pu y aller, puis ça me rend triste en fait. Je suis vraiment triste de pas avoir vu Le Roi Poisson ici à Trois-Rivières, même si j'avais déjà eu la chance de les voir là ailleurs, et puis je vais avoir aussi encore la chance d'aller les voir prochainement. Sûrement il y a encore quelques spectacles d'annoncés déjà à Montréal et Québec, donc c'est sûr que je vais pouvoir me reprendre, mais bon, ça aurait été le fun hein, qu'il y ait un beau party pour Le Roi Poisson ici à Trois-Rivières, mais malheureusement je suis pas sûr que ça ait été le cas. Mais bon, si vous étiez au spectacle puis que vous me dites que finalement c'était plein puis qu'il y a plein de gens, ou peu importe, là, si vous êtes au spectacle, vous m'écoutez présentement, ça vous tente de me dire de quoi ça avait l'air, ben vous pouvez laisser vos commentaires sur le unechance.com dans la section commentaires, ou sinon sur le www.cfou.ca, vous pouvez trouver assez facilement mon adresse courriel pour m'envoyer un message. J'aimerais savoir des nouvelles de ce spectacle étant donné que je l'ai manqué et que ça me rend très triste. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, on va aller écouter la pièce Le Con, comme je le disais. C'est la position numéro 1 du palmarès francophone cette semaine à C'est Fou. Et on l'écoute tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Dans toutes les situations, je m'en trouve pogné comme un con à poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'âme? Réchauffer aussitôt revenu, je me sens toujours comme un con. Je situation terminée. Je me sens toujours comme un con. Jouer dans les airs. Retrouver dans les airs, c'est la pièce titre de l'album de Camionnette, un groupe de filles qui vont dans le rock garage. Et puis, on dit que le groupe Camionnette, les filles sont retournées au garage pour composer de nouvelles tunes. Mais par contre, le groupe a vraiment changé. Du quatuor original, il reste seulement deux membres. Donc, ils ont changé la batteur ou la batteuse, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, plus la même personne qui joue les percussions. Et puis la chanteuse Isabeau, qui donnait vraiment toute la personnalité au groupe, je trouve, a quitté le groupe aussi. Donc, on l'a remplacé. Donc, c'est rendu un trio maintenant avec trois autres filles. Donc, c'est ça. Ils préparent un nouvel album prochainement. Pas de date d'annoncer encore. Ils sont encore à la composition, mais quand même, on voit que ça bouge du côté de Camionnette. Je sais pas, par contre, s'ils vont garder leurs accoutrements ridicules pour les spectacles. J'aimais vraiment ça. L'espèce de robe de bal de 1982. J'aimais vraiment ça. Donc, ça sera à voir pour ce qui est de Camionnette. Maintenant, cette semaine, la semaine dernière, en fait, lundi dernier, avait lieu la grande finale des Francouvertes. Donc, est-ce que vous êtes curieux de savoir qui a gagné l'édition 2009 des Francouvertes? Eh bien, en fait, c'est le groupe Ariel, qui est quand même pas si méconnu que ça. Le groupe Ariel, on l'a quand même joué souvent ici à C'est Fou. Ça fait partie des palmarès francophones ici à C'est Fou. Ils ont même un album complet, autoproduit, mais quand même un album complet pour le groupe Ariel. Et puis, c'est eux, donc, finalement, qui ont gagné la grande finale 2009 des Francouvertes. Donc, déjà, avec le bagage qu'ils avaient, ça risque de les mener quand même assez loin. Donc, c'est sûr que dans la prochaine année, on devrait entendre parler encore plus du groupe Ariel. Nous, on va aller les écouter dans le prochain bloc. Mais juste avant ça, on va entendre Lila Dissa, un groupe qui a participé aussi cette année aux Francouvertes, mais qui a, je pense qu'ils n'ont pas passé à travers la ronde préliminaire. Mais quand même, on a reçu leur EP ici. Donc, on va écouter la pièce Le Général de Lila Dissa. des formules incendiaires. Mais jamais fille d'une sourcée comme chaque fois, comme hier. De parabole, lancer ma forge, m'entête et fends l'air. Je montre les dents, tu fais le mort, je mords la poussière. Faux funambule, je ne reculerai pas devant le vide. Quand tout s'effondre, bien qu'on tombe, la chute est moins rapide. Si tu ne cèdes que j'abuse, le futur est limpide. La corde est raide, la fibre s'use sous mes pas, ça t'amuse, tu comprends rien. Sèche et les yeux ronds comme deux billes. Je dégobille un faux débat pour deux. Lassé de chercher l'ouverture qui ravalerait l'adieu. La pression monte, la soupape saute, tu brilles de tous tes feux. Une libellule devant ta bulle étanche à toute attaque. Je bise, je rase, je kamikaze, en vain, zéro contact. Un, deux, trois, quatre, échec et mat, je jette la serviette. Qu'est-ce qu'on s'éclate, j'écarlate, si je comprends bien, tu me jettes, tu comprends rien. Le groupe Ariel avec la pièce « Tu comprends rien ». Donc, c'est eux qui sont les gagnants de Les Francouvertes 2009. C'est sûr qu'on va en réentendre parler ici à C'est fou et ailleurs, c'est sûr et certain. L'émission est terminée pour aujourd'hui, mais il reste encore un bon 5 minutes. Donc, on va avoir le temps d'écouter une autre pièce de l'album de Chinatown, « Les Cités d'or ». Et c'est sûr aussi, c'est un autre album ça, qu'on va jouer en masse. Ça devrait sûrement paraître sur les palmarès. Bon, en fait, il y a déjà la pièce « Apprendre à danser » là qui est déjà là, qui était le simple qu'on reçu, mais c'est sûr que ça va être exploité en masse ici, cet album de Chinatown. Si vous aimez le style de la pièce Chinatown, c'est comme ça du début à la fin, c'est vraiment très bon. Toutes les pièces sont bonnes, sont égales. L'album est quand même assez homogène, mais bon, faut aimer le style. Si on l'aime, vraiment, c'est un très bon album. Donc, on va écouter la pièce La Vrille de Chinatown et c'est ce qui va terminer l'émission. Si vous écoutez les vendredis soirs, je vous laisse avec les très somptueux Lutins de l'Enfer. Donc, bonne soirée. Bye bye.